إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui je crois qu'on est dans le cours numéro 7 de Haqiqatu Tasawwuf, la réalité du soufisme. Et on continue avec les paroles de l'imam du Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah. Il dit: لما كان هذا مصدرهم الذي يرجعون إليه في دينهم وعباداتهم فقد تركوا الرجوع إلى الكتاب والسنة وصاروا أحزابا متفرقين كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc on avait commencé à expliquer la semaine passée que les soufis ne retournent pas au Coran et à la Sunna. Et parmi les raisons et les choubouhats qu'ils ont pour essayer de sortir de l'autorité du Coran et de la Sunna, on a mentionné qu'ils ont Al-Kashf, ou bien qu'ils prétendent connaître Al-Ghaib, de certaines façons, comme par exemple par Al-Lawh Al-Mahfouz, ou bien qu'ils ont un contact avec les anges ou avec le prophète, ou bien qu'Allah leur donne la révélation directement. Cheikh, il a dit, étant donné que les bases sur lesquelles ils retournent, c'est-à-dire les soufis, c'est pour connaître leur religion et pour connaître leur adoration, c'est pas le Coran et la Sunna, et bien ils sont divisés. Ils se sont divisés entre eux en différents turqs, en différents groupes, en différentes sectes. Et ça c'est tout à fait normal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et voilà mon droit chemin, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits chemins qui vous égarent ou qui vous détournent de mon droit chemin, qui vous divisent de mon droit chemin. Donc, alhamdulillah, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un seul chemin. Ok? Il n'y a pas de différents chemins pour arriver à Allah. Allah dit: wa anna hadha sirati mustaqiman. Il l'a mis au singulier. Sirati, il l'a mis au singulier. Et quand il a parlé des chemins d'égarement, il a utilisé le pluriel, subul. Fala wala tattabi'u subul. C'est-à-dire, ne suivez pas les petits chemins. Parce qu'ils vont aina. Les petits chemins qui sont, auxquels appellent les diables, les shayatins, parce qu'ils vont vous diviser de son chemin. D'accord? Après, le shaykh dit: Fasiratullah wahid, l'inqisama fihi wa l'akhtilaf alayhi. Wa ma'adahu fa huwa subul mutafarriqa, tatafarraku biman yasluku ou salakaha, wa tabi'ahu wa tub'iduhu an siratillahi mustaqim. وهذا ينطبق على فرق الصوفية فإن كل فرقة لها طريقة خاصة تختلف عن طريقة الفرق أو الفرقة الأخرى ولكل فرقة شيخ يسمونه شيخ الطريقة ويرسم لها منهجا يختلف عن منهج الفرق الأخرى ويتعبد بهم أو يبتعد بهم عن الصراط المستقيم. Le Cheikh dit donc: le chemin d'Allah c'est un seul chemin, il n'y a pas de division dedans, il n'y a pas de divergence dessus. Et il dit que tout ce qui est en dehors de ce chemin-là, ce sont des chemins de division qui divisent les gens, ou qui divisent les gens qui les suivent, et qui les éloignent du chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça s'applique aux groupes et aux sectes soufistes. Pourquoi? Parce que chaque tariqa et chaque groupe soufi a une voie qui lui est propre, et elles sont toutes différentes les unes des autres. Et à chacune d'elles, pour chacune d'elles, il y a un cheikh qu'ils appellent le cheikh de la tariqa, et toute leur méthode et leur manhaj, leur méthodologie est basée sur ce que le cheikh établit pour cette tariqa. D'accord? Ensuite, ils disent que chaque tariqa a un manhaj différent de l'autre tariqa. Et donc, elles s'éloignent toutes du droit chemin. وهذا الشيخ الذي يسمونه شيخ الطريقة يكون له مطلق التصرف وهم ينفذون ما يقول ولا يعترضون عليه بشيء. C'est-à-dire les gens qui suivent ces chouchs-là, ils les appellent les chouchs de la tariqa et ils ont comme un pouvoir total de faire tout ce qu'ils veulent. Et les gens qui suivent ces chouchs-là, ils les suivent dans tout ce qu'ils disent et ils ne s'opposent jamais à quoi que ce soit de ce que les chouchs établissent ou suivent. Il dit « حتى قال المريد من شيخه يكون كالميت » مع غسله. Ils disent que tu dois être comme un mort avec celui qui lave le mort. Celui qui lave, qui est mort et que quelqu'un le lave, ben c'est celui qui ne va pas s'opposer ou dire quoi que ce soit parce qu'il est mort. Donc ça veut dire que tu dois être comme un mort devant le cheikh. Tu ne dois pas avoir aucune volonté, aucune opinion, aucune réaction ou quoi que ce soit. Et tu dois rester avec lui et obéir à tout ce qu'il te demande. Et le cheikh a dit, وقد يدعي بعض هؤلاء الشيوخ أنه يتلقى من الله مباشرة ما يأمر به مريديه وأتباعه. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que certains, même parmi ce cheikh là, ils prétendent qu'ils reçoivent directement les choses qu'il leur donne à ses fidèles. Il les reçoit directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on avait mentionné des choses à ce sujet-là la dernière fois. Là, on va mentionner un exemple de ça, peut-être ça peut être utile. Des paroles du cheikh Mohamed Jamil Zainou, qui est professeur à Dar al-Hadith à Mecca al-Mukarrama. Cheikh Mohamed Jamil Zainou, c'est un cheikh qui est d'origine syrienne et il a grandi dans le soufisme. Okay. Il a grandi en Syrie et il a étudié avec la plupart des turcs soufis en Syrie. Puis après, il a connu le tawhid, il a connu la da'wah de Muhammad ibn Wahhab et les livres des ulama de Ahl-Sunnah al-Jama'a qui parlent du tawhid et qui parlent de la sunnah. Et il a fait tawbah, il s'est repenti du shirk et des bid'ah et il est devenu un parmi les chouyoukhs salafiyin maintenant qui font le da'wah et qui enseignent l'islam à Mecca. Donc le cheikh il explique que quand il était petit, il était Naqshbandi en premier. Après, il a étudié avec d'autres turcs comme Ash-Shaziliya et après également avec Al-Qadiriya et également par la suite avec Al-Rifa'iya. Donc il a fait plusieurs turcs soufiya. Il dit « كنت منذ الصغر أحضر الدروس في المساجد » وحلقات للذكر وقد شاهدني شيخ طريق النقشبندية فأخذني إلى زاوية المسجد وبدأ يعطيني أوراد الطريق النقشبندية ولكن لصغر سني لم أستطيع أن أقوم بما أمرني به من الأوراد إلا أنني أحضر مجالسهم مع أقاربي في الزوايا وأسمع ما يقولون من القصائد والأناشيد وحينما يأتي ذكر اسم الشيخ كانوا يصيحون بصوت مرتفع فيزعجني هذا الصوت المفاجئ في الليل ويسبب لي الرعب والمرض. شيخ دي كان j'étais petit, j'assistais au cours dans une des mosquées et les cercles de dhikr. Et un des chouyoukhs là-bas, il m'a vu, c'était le chef de la tariqat Naqshbandiya. Alors il m'a pris à la zawiya, dans l'espace de la mosquée. Et il a commencé à me donner les awrad, c'est-à-dire le word de la tariqa Naqshbandiya. C'est-à-dire les formes de dhikr que quelqu'un doit répéter quand il rentre dans cette tariqa. D'accord? On va en parler tout de suite après, Inch'Allah. Donc il dit que, à cause de son jeune âge, il n'était pas capable de suivre et de faire tout ce que le cheikh lui avait ordonné de faire. mais il assistait aux cours et aux trucs de zikr que les soufis ont organisé avec ses proches, et dans la, ils se réunissaient ensemble, puis ils chantaient et ils faisaient les anachides et ils récitaient les poésies ensemble, et lorsqu'ils mentionnaient le nom du cheikh, ils commençaient à crier, tout d'un coup là, avec une voix très forte. Alors lui, il dit que ça le dérangeait d'entendre les gens commencer à crier comme ça tout d'un coup dans la nuit, et ça lui créait beaucoup de problèmes comme la peur, et également de tomber malade parfois même. وعندما تقدمت في السن بدأ قريب لي يأخذني إلى مسجد الحي لأحضر معه ما يسمونه الختم، فكنا نجلس على شفل حلقة وأخذ الشيوخ يوزع علينا الحصى ويقول الفاتحة الشريفة الإخلاص الشريف، فقرأ بعدد الحصى سورة الفاتحة والإخلاص والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي يحفظونها، وأذكر منها اللهم صل على محمد عدد الدواب، ويقولونها جهرا آخر الذكر، بعدها عدد الدواب، ويقولونها جهرا آخر الذكر، وبعدها يقولون يعدها ويقول الشيخ الموكل بالختم الرابطة الشريفة يقصدون بها ما يتصور أن يتصور شيخهم في حال ذكرهم، لأن الشيخ يربطهم بالله في زعمهم، فكانوا يهمهمون ويسيحون ويعتريهم الخشوع، حتى أن أحدهم شاهدته يقفز فوق رؤوس الحاضرين من مكان مرتفع من شدة وجده، فكأنه البهلوان انكلون الله المستعان. فاستغرب هذا التصرف والصياح عند ذكر شيخ الطريقة. دونك il dit qu'est-ce qui se passait là dans ces cérémonies là une fois quand il était devenu un peu plus vieux, son frère ou quelqu'un de ses proches l'amenait dans la mosquée de son quartier pour assister justement au khatm, qu'est-ce qu'ils appellent le khatm. Donc il s'assoit en cercle et le cheikh il distribue des pierres, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit al-fatiha et al-ikhlas, et il commence à réciter la sourate al-fatiha et sourate al-ikhlas avec le nombre de pierres qu'il possède, selon le nombre de fois. Et parfois également il récite aussi al-fatiha et al-ikhlas et al-istighfar, et ils font une salate, une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont mémorisé, et parmi ces prières là ils disaient oh Allah, envoie ton salut sur ton prophète, le nombre de bêtes qui existent, c'est-à-dire envoie autant de prières et de salut sur ton prophète qu'il existe de bêtes ou de créatures sur la terre. Donc ça c'est une des exemples, des formules qu'ils utilisent. Et ils le disent à haute voix à la fin du dhikr, et après ça, le cheikh qui est responsable de faire le khatm, qu'est-ce qu'il fait? Il dit al-rabitatu sharifa, c'est-à-dire le noble lien. Et qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Ils veulent dire qu'ils s'imaginent que leur cheikh est là, yani, pendant qu'ils font le dhikr, et que yani, le dhikr, le cheikh, c'est lui le lien qu'ils ont avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça, c'est une des choses dans cette tariqa, que lorsqu'ils font le dhikr, ils doivent toujours avoir une photo de leur cheikh devant eux, parce qu'ils s'imaginent que c'est eux leur lien qui les amène à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même moi-même, j'ai connu un des responsables de la tariqa Naqshbandiya ici à Montréal. Celui-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une photo de son cheikh partout. Dans le magasin où il avait le magasin, une librairie, il avait les photos de son cheikh. Et même dans sa voiture, une fois il m'avait amené au métro, et puis là je suis rentré, j'ai vu une photo. J'ai dit, mais dans l'islam c'est haram les photos. Et là il me disait, ah, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre, parce que j'étais nouveau dans l'islam à cette époque-là. Donc il me dit, attends, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre. J'ai dit, ok, bon, en tout cas. Mais je savais que c'était pas correct. Et là après il me dit, j'ai dit, mais pourquoi tu gardes ta photo? Il me dit, cette photo, j'ai dit, pourquoi tu la mets même dans ta voiture? Il me dit, mais c'est parce que quand je fais mon dhikr, je me concentre, je regarde cette photo-là, etc. Donc, Moi, je lui ai dit, mais ça, c'est pas correct, tu vois. Tu dois pas te concentrer sur une photo quand tu fais le dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quelque chose de pas normal là-dedans. Donc, ça, c'est un exemple parce que, comme j'ai dit, ça, c'est une des formes de contradiction à l'islam qu'ils font, yani, d'imaginer leur chef lorsqu'ils parlent d'Allah. Et donc, quand ils mentionnent, yani, il dit après, quand ils font cette histoire-là de Arab et Pasharif, le lien, le noble lien qu'ils ont avec leur chef, après là, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire, Yuham Himoun, c'est-à-dire, ils font comme un son, là, c'est ça? Yuham Himoun, ils font comme, ou des bruits comme ça, je sais pas, puis ils crient. Et, yani, ils commencent à avoir une sorte de khushu, yani, une concentration, une certaine, concentration. Et quand ils arrivent à cet état-là, ils commencent à faire des choses vraiment un peu folles. Même il y en avait un qui sautait par-dessus la tête des gens qui étaient là, et il sautait d'un endroit élevé, et puis, étant donné qu'il rentrait dans une sorte de transe, c'est ça, là il commence à agir comme ça, un peu comme un clown. Et donc, les gens, lui il dit qu'il trouvait ça très étrange de voir cette attitude-là, et de les entendre crier lorsqu'ils mentionnaient le nom de leur chef. Alors il dit, « وَدَخَلْتُ مَرَّةً عَلَى بَيْتِ قَرِيبِ هَذَا فَسَمِعْتُ نَشِيدًا من جماعة الطريقة النقشبندية يقولون فيه دلوني بالله دلوني على شيخ النصر دلوني اللي يبري العليل ويشفي المجنون. Donc, c'est-à-dire, montrez-moi par Allah, montrez-moi ce cheikh-là, le cheikh de la victoire, montrez-moi celui qui guérit, celui qui est malade, hein, et qui yani, qui peut également guérir celui qui est fou, etc. Donc, yani, c'est comme s'il demande, il croit que quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, a la capacité de guérir ou des choses comme ça. Après, il dit, wa waqaftu ala bab al-bayt, wa lam adkhul, wa qultu li sahib al-bayt, hal al-shaykh yubri al-alil, wa yushfi al-majnoun, qala na'am. Il dit, je suis pas rentré dans la maison, mais je suis resté devant la porte. Et je ne suis pas rentré. Et j'ai dit à la personne qui était propriétaire de la maison, est-ce que le cheikh guérit celui qui est malade et celui qui est fou? Il dit oui. قلت له الرسول عيسى ابن مريم عليه السلام الذي أعطاه الله معجزة إحياء الموتى وشفاء الأكمة والأبرص يقول بإذن الله. فقال لي وشيخنا يفعل بإذن الله. قلت له ولماذا لا تقولون بإذن الله؟ علما بأن الشافي هو الله وحده كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. C'est-à-dire, ils ont dit, il leur a répondu, hein, ça prouve qu'il était très intelligent malgré son jeune âge. Il disait, Isa عليه السلام, quand il fait les miracles et qu'il fait vivre des morts et qu'il guérit des aveugles et des lépreux, il fait ça par la permission d'Allah. Et l'autre, il a répondu, il a dit, oui, notre cheikh aussi, il fait ça par la permission d'Allah. Alors, il lui a répondu, il a dit, alors pourquoi vous dites pas par la permission d'Allah? Alors, on sait, et après il dit, et ça c'est lorsqu'on sait en plus que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui guérit. Car Ibrahim, il dit dans le Coran, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Lorsque je suis malade, c'est Allah qui me guérit. Mulahaba ala tariqat al-Naqshbandiyya. Il dit quelques explications au sujet de la tariqa naqshbandiyya. Il dit تمتاز هذه الطريقة بأورادها السرية الخفية فليس فيها رقص ولا تصفيق مما عند غيرهم من الطريقة المشهورة. Il dit cette tariqa elle a comme particularité qu'elle a des words qui sont secrets et qui sont à voix basse. Il n'y a pas de danse ni de clapement de main dans cette tariqa. Et donc ça c'est une chose qui est en particulier. هذا الاجتماع على الذكر وتوزيع الحصى على كل واحد والموكول بالختم يأمرهم بأن يقول أن يقول كذا ووضعهم الحصي أو الحصى في كأس ما ليشربوا منه ويستشفوا به هذا كله من البدع التي أنكرها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود حينما دخل المسجد فرأى جماعة يتحلقون وبأيديهم الحصى. Donc ça c'est le chef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'est-ce que ces gens-là ils font de se réunir en groupe puis de que le chef il leur dit de réciter une prière ou un verset dans le Coran et ils comptent le nombre avec les pierres. Il dit ça c'est exactement qu'est-ce que le sahabi Abdullah ibn Mas'ud a interdit à ces gens-là de faire au temps, après le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a vus. Il a vu des groupes de gens assis en cercle dans la mosquée, et au, chaque cercle, dans chaque cercle, il y avait quelqu'un avec un nombre de pierres, et il disait par exemple, dites Allahu Akbar 100 fois, dites Alhamdulillah 100 fois, et donc il comptait les pierres avec les pierres, etc. Et Abdullah ibn Mas'ud, il est rentré, et il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Comme si pour dire, qu'est-ce que vous faites, c'est pas, c'est contraire à la sunna. Et Abdurrahman, ils ont dit, ya Abba Abdurrahman, on fait juste compter le nombre de takbir et de tahlil et de tasbih. Alors, Abdullah ibn Mas'ud, il les a comme réprimandés d'avoir fait ça, et il leur a montré que, qu'est-ce qu'ils font, c'est contraire à, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, et contraire au, à l'exemple, des grands sahabas également. Donc, il leur a montré que ce qu'ils faisaient, c'était une porte ouverte pour l'égarement. Et donc, ça, c'est exactement ce que ces soufis à la centre faisaient. Et donc, c'est une bid'ah, sans aucun doute. Et après, le cheikh, il donne comme un autre exemple. الرابطة الشريفة يعنون بها أن يتصوروا صورة الشيخ أمامهم في الذكر وينظر إليهم ويراقبهم لذلك وتراهم يخشعون ويصيحون بأصوات منكرة غير واضحة وهذه مرتبة الإحسان التي وردت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ففي هذا الحديث يرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله كأننا نراه وإذا كنا لا نراه فإنه يرانا وهذه مرتبة الإحسان التي هي لله وحده. Donc le cheikh il dit quoi, il dit que الرابطة الشريفة, comme de quoi il parle dans ce hadith, en réalité il parle du fait que lorsqu'ils font le dhikr, ils s'imaginent l'image de leur cheikh devant eux. Et quand ils font le dhikr, ils s'imaginent qu'ils le regardent et qu'ils le voient. Hein? Et donc, quand ils arrivent à cette idée-là, ou à cette chose-là, ils pensent que le cheikh est là, présent, et donc ils commencent à crier avec des voix hautes, etc. Puis, ils commencent à faire toutes sortes de bruits, de sons. Et ils disent, et le cheikh dit que ça, en réalité, c'est pas permis de faire ça, excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, pas de crier comme ça, mais dans le sens que de s'imaginer que le cheikh il te regarde et des choses comme ça, ça c'est pas permis de faire ça pour une créature, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le degré qu'on appelle al-ihsan, c'est-à-dire que lorsque tu adores Allah comme s'il te voyait, comme si tu le voyais, et si tu peux pas le voir, eh bien tu sais que lui il te voit, et ça c'est ce qu'on appelle al-ihsan, le degré de la perfection dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est uniquement pour Allah, et donc on n'a pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Et le cheikh il dit وَقَدْ أَعْطَوْهَا لِشَيْخِهِمْ وَهَذَا مِنَ الشِّرْكِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Ils ont donné cette adoration-là à leur cheikh, ça fait partie du shirk. Et le cheikh il dit فَالذِكْرُ عِبَادَةً لَا يَجُوزُ أَنْ نُشْرِكَ بِهِ أَحَدًا. Le shirk c'est une adoration, et on n'a pas le droit de le donner à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit ولو كان من الملائكة أو الرسل والمشايخ دون رتبتهم فلا يجوز إشراكهم من باب أولى. والحقيقة أن تصور الشيخ في الذكر موجود أيضا في الطريقة الشاذلية وغيرها من الطرق الصوفية. Il dit qu'en réalité ça, cette idée là d'imaginer le cheikh lorsqu'on fait le dhikr et d'imaginer qu'il est présent, ça existe également dans d'autres comme Ash-Shaziliya et beaucoup d'autres. Après, il parle des cris que les soufis font. Il dit والصياح الشديد الذي يعتريه يعتريهم عند ذكر الشيخ أو طلب المدد من غير الله كأهل البيت ورجال الله ورجال الله هو من المنكرات بل هو من الشرك المني عنه. Naam. Donc le cheikh il dit que le fait de faire des cris comme ça et d'agir de cette façon-là lorsqu'ils invoquent autre qu'Allah, ça il n'y a pas de doute que ça c'est shirk. Et en plus, même de faire le dhikr avec des voix en criant comme ça, il dit ça c'est contraire même à le fait que tu fais ça, c'est quelque chose qui est munkar, c'est quelque quelque chose qui est contraire à l'islam. Et ils ont des exemples comme ça, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque vous adorez Allah, vous n'adorez pas quelqu'un qui est absent et qui vous entend pas. En fait, il est sami'un qarib, wa huwa ma'akum, c'est-à-dire il entend, il est audient et il est proche et il est avec vous. Donc ça veut dire il n'y a pas besoin de crier et donc des choses comme ça. Et il mentionne d'autres exemples et il donne des exemples de, il parle ici de al-ghulu fi shaykh, il montre que ça c'est contraire à l'islam, que d'exagérer au sujet du chef et de croire qu'il peut te guérir, car c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Il parle également de d'autres exemples qui nous sont arrivés dans la tariqa shaziliya, et il parle également des exemples qui lui sont arrivés également dans la tariqa al-qadiliya, et après il parle de la tariqa al-rifa'iya. Donc on ne va pas mentionner tous les exemples, je pense que l'exemple qu'on a eu c'était suffisant. Il parle également d'une autre tariqa qui s'appelle la tariqa al-mawlawiya. Donc subhanallah, il y avait toujours des contradictions dans chacune de ces tariqas. Donc après il explique comment il a découvert le tawhid. Puis le titre du livre c'est « Kayfa ihtadaytu il a tawhid ou sirat al-mustaqim. » Donc il explique l'histoire de, disons, de sa conversion à la sunna et à la vraie islam. Parce qu'on sait que quelqu'un qui est né dans le soufisme ou dans d'autres bid'ah ou dans la religion du shi'a ou bien dans d'autres groupes d'égarements, lorsqu'il a grandi là-dedans, il n'a pas connu l'islam, le vrai. Il a seulement connu des exemples de dalal et de shirk et de superstition, et donc quand il commence à connaître la vérité de l'islam, c'est comme s'il se convertait à l'islam pour la première fois, c'est comme s'il redevient musulman, et donc ça c'est déjà ça aussi c'est une grande chose. Et donc pour compléter le sujet qu'on vient de commencer en parlant de l'exemple du shirk Jamil Zainou, on va rentrer justement dans la question des azkar et des awrad que les soufis inventent. Le cheikh Al-Fawzan il dit al-iltizam ou iltizam azkar ou awrad yada'uha lahum shaykhuhum fayataqayyaduna biha. Yaqul min din as-sufiyya iltizam azkar wa awrad yada'uha lahum shuyukhuhum fayataqayyaduna biha wa yata'abbaduna bitilawatiha wa rubbama faddalu تلاوتها على تلاوة القرآن الكريم ويسمونها ذكر الخاصة. Okay. Les soufis, ils ont établi pour eux-mêmes des sortes de zikr et des formes de zikr qu'ils doivent réciter à certains moments de la journée qui sont particuliers pour eux. Et c'est leur shuyukh qui les ont établis. Et ils se limitent à ces zikrs-là qu'ils ont reçus de leur shuyukh. Et c'est par ces récitations-là qu'ils adorent, qu'ils croient adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois même, ils peuvent préférer de réciter ces formes de zikr-là plus que le Coran al-Karim. Et ils appellent ces formes de zikr le zikr des élus ou bien des gens qui sont particuliers, qui sont choisis. Donc, le cheikh dit, أما الذكر الوارد في الكتاب والسنة فيسمونه ذكر العامة. Le ذكر qu'on a connu dans le Coran et dans la Sunna, pour eux ça c'est le ذكر déjà ordinaire. Mais eux, leur ذكر qu'ils font c'est ذكر الخاصة. C'est le ذكر déjà plus particulier. فقول لا إله إلا الله عندهم هو ذكر العامة. أما ذكر الخاصة فهو الاسم المفرد الله. ذكر الخاصة ذكر خاصة الخاصة هو c'est-à-dire le ذكر pour les gens ordinaires c'est quoi, c'est de réciter ou de répéter la ilaha illallah, ça pour eux c'est le ذكر des gens ordinaires, musulmans ordinaires. Ensuite il y a le ذكر des gens plus particuliers, et ça c'est de réciter le nom d'Allah tout seul, c'est-à-dire tu dis juste Allah Allah Allah Allah comme ça le nombre de fois Allah. Donc après, il y a une autre zikr, c'est zikr khassatul khassa, c'est-à-dire le zikr des particuliers parmi les particuliers. Des gens des élus parmi les élus. C'est-à-dire, au lieu de dire Allah, Allah, Allah, tu dis ho, ho, ho, ho, comme ça. Juste ho. Hein? Donc, yani, ça c'est des exemples. Le Cheikh, il mentionne les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Dit ومن زعم أن هذا أي قول لا إله إلا الله ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو أي الاسم المضمر فهو ضال مضل. Il dit celui qui croit que لا إله إلا الله c'est le ذكر des musulmans ordinaires et que le ذكر des gens plus particuliers c'est de mentionner Allah tout seul. Et le zikr des gens plus, encore plus particuliers parmi eux, c'est de dire hu, hein, et bien celui-là c'est un égaré qui égare les gens. Et واحتجاجهم ببعضهم على ذلك بقولهم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون من أبين غلط هؤلاء بل من تحريفهم للكلمة عن مواضعه فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله وهو قول من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى قوله قل الله أي هو الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. Il se base sur un verset qui est dans sourate l'An'am, verset 91, qui dit Allah, puis ensuite laisse-les dans leur discussion. Quand ils jouent dans leur discussion, ils s'amusent dans leur discussion. Mais en réalité, le Cheikh a dit que ça c'est une erreur claire, et en même temps, c'est une forme de déformation des mots hors de leur contexte. Parce que si on retourne au verset, et le verset qui est mentionné avant ce verset-là, ça dit quoi? Ça dit « Qui a fait descendre le livre avec lequel est venu Moussa, une lumière et une guidance pour les gens, jusqu'à ce que Allah dit c'est Allah. Hein? Qulillah, qulillah. C'est-à-dire, c'est Allah qui a fait descendre le livre avec lequel est venu Moussa. Donc, ça veut pas dire, c'est pas juste pour dire comme dit Allah, comme eux, ils utilisent ça comme preuve pour dire Allah, Allah, Allah, comme ça, à l'infini ou au nombre de fois. Exactement. Allah, il dit dans le Coran, comme le frère, il dit, فويل للمصلين. Malheur à ceux qui prient ou qui font la salat. Si on s'arrête ici, ça voudrait dire une chose yani, contraire à l'islam, c'est-à-dire que ceux qui font la prière sont yani, maudits ou quelque chose comme ça. Et donc, si on continue le verset, là, on va comprendre que c'est pas de ceux-là qu'on parle, mais de ceux qui prient mais qui sont pas, disons, concentrés ou qui prient pas yani, d'une façon correcte. Yani. الذين هم عن صلاتهم ساهون et ceux qui prient pour se faire voir والذين هم يراءون ويمنعون المعون. Donc c'est pas de ceux qui prient d'une façon générale mais c'est particulier pour ceux qui prient pour se faire voir ou bien qui prient sans faire attention yani, et sans se concentrer dans la prière. Donc ça c'est des exemples de choses que le Cheikh mentionne et il dit فالاسم الله مبتدا خبره دال على الاستفهام كما في نظائره فتقول من جارك فيقول زيد اما الاسم المفرد مظهرا ومضمرا فليس بكلام تام ولا جمله مفيده ولا يتعلق به ايمان ولا كفر ولا امر ولا نهي ولم يذكر او يذكر احد من السلف ولم يذكر أحدا أحد من السلف من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي القلب نفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم فيه بنفي ولا إثبات إلى أن قال وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد وبهو في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد وما يذكر عن بعض الشيوخ في أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى بها يقتدى فيها بصاحبها فإن في ذلك من الغلط ما لا يخفى به ولو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه إذ الأعمال بالنيات. الشيخ المنسياني يذكر المنسياني لنوع الله كم سا يعني dans le verset c'était clair que ça avait rapport avec ce qui était mentionné auparavant et que c'était une réponse à une question. Donc il dit que de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, sans rien, juste Allah, Allah, Allah, ça c'est pas un zikr, ça c'est pas du tout un zikr. Et il n'y a pas rien qui est relié à ça, ni la foi, ni la mécréance, ni un commandement, ni une interdiction, et il n'y a pas non plus aucun rapport d'aucun des salafs de la Ummah qui aurait mentionné ce nom-là de cette façon-là pour faire un zikr. De même qu'on ne retrouve pas ça non plus dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on voit que ça n'augmente pas le cœur d'aucune connaissance bénéfique, et ça ne fait pas atteindre à personne aucun état bénéfique non plus, et même que ça peut amener en réalité à toutes sortes d'imaginations ou des implications qui sont qui n'ont rien à voir avec ni l'affirmation ni la négation qui est impliquée par par exemple le terme l'idée de la ilaha illallah. Quand on dit la ilaha illallah, il y a une affirmation puis il y a une négation. La négation de que rien doit être adoré excepté Allah, et l'affirmation que c'est seulement Allah qui doit être adoré, tandis que lorsque ces gens-là ils mentionnent seulement le nom d'Allah, parmi les exemples qu'ils ont rapporté des formes d'idées de ces gens-là, c'est qu'ils peuvent entrer de devenir un avec Allah, ou bien de croire en toutes sortes d'idées de ce genre qui sont déviées. Eh ben, un de leurs chiour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai peur de mourir entre un nafi ou un isbat. C'est-à-dire, j'ai peur de mourir en disant la ilaha illallah, puis j'ai pas le temps de compléter. Donc, je dis la ilaha, puis je meurs. Alors, si je mourais en disant la ilaha tout seul, ça veut dire que je meurs dans la mécréance, parce que j'ai nié, et j'ai pas affirmé. Et Ibn Taymiyyah, il a répondu, il a dit, mais ça c'est une erreur. Parce que même si un serviteur mourait alors qu'il était en train de dire la ilaha, et la ilaha illallah, mais qu'il est mort en plein milieu, eh ben le cheikh il dit qu'il sera mort sur qu'est-ce qu'il a eu comme intention, et non pas à cause de yani qu'il n'a pas complété le shahada. Il dit parce que innama al-a'malu bin-niyyat, les actions qu'on fait sont selon l'intention. Donc lui, celui qui a eu l'intention de dire la ilaha pour nier l'existence d'Allah, lui c'est sûr que son intention c'est une intention fausse, mais celui qui a eu l'intention de compléter la ilaha illallah mais qui est mort entre les deux, ben celui-là bien entendu il ne sera pas mort parmi les gens qui seront kuffar. Donc c'est ça les choubouhats de ces gens-là qui s'imaginent toutes sortes de choses qui ne font pas de sens en réalité. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit de donner aux morts, de faire réciter aux morts la ilaha illallah. Et il a dit, le professeur Hassan a dit, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhal al-jannah. Celui que sa dernière parole est la ilaha illallah, il entrera au paradis. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est pour ça, même en parlant de ça justement, il y a un cheikh Ahmed al-Najmi, qui est un des muftis du sud de l'Arabie Saoudite. J'écoutais une fatwa aujourd'hui de lui, et il a dit qu'il disait que Saddam Hussein, malgré qu'il est mort, dans le sens qu'il avait fait beaucoup de mal durant sa vie, etc., et qu'il était dans le Hizb al-Ba'ath et tout ça, mais ça c'était au début quand il avait beaucoup de pouvoir, etc., tandis qu'après ça, quand il était emprisonné, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être qu'il a changé pendant qu'il était en prison, etc. Et puis avant de mourir, ça a été rapporté qu'il a fait le shahada, il est mort en disant la ilaha illallah. Donc il dit qu'on espère pour lui qu'il soit parmi les musulmans. Et puis il a dit qu'on peut prier derrière lui pour, comme janaza, si dans un pays musulman le dirigeant ordonnait de faire une prière pour lui, que c'était permis de le faire. Parce qu'il a dit shahadatin avant de mourir, puis on n'a pas vu rien par la suite qui contredisait le shahadatin. Donc dans ce sens-là, c'est ça que j'ai rapporté. Inch'Allah, oui c'est ça. Donc c'est juste pour montrer que quand quelqu'un meurt, il dit la ilaha illallah avant de mourir, ça peut être une chose qui va le faire entrer au paradis. Alhamdulillah. Après le cheikh dit law kana ma dhakarahu mahdhuran lam yulqan al-mayt kalimat yakhaf an yamut fi athna'iha mawtan ghayr mahmud. Si c'était vrai la crainte qu'ils ont de mourir en plein milieu puis qu'ils vont pas pouvoir le compléter, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait pas dit de faire répéter cette parole-là à un mort si on craignait qu'il allait mourir en plein milieu qu'il était en train de la prononcer et puis qu'il mourrait dans une mort qui n'est pas louable, bien ni dans le sens qu'il est mort avant de compléter le shahadatayn. Bal kana makhtarahu min dhikr al-ism al-mufrad الذي بالاسم المضمر أبعد عن السنة. يعني à cause de ça il dit qu'il a préféré mentionner le nom tout seul ou bien le nom هو en disant هو tout seul. Et ben il dit ça c'est encore plus loin de la سنة. بل il dit وأدخل في البدعة. Il est entré dans la بدعة. وأقرب إلى الضلال إلى إدلال الشيطان. Il dit c'est plus près même de l'égarement du شيطان. فإن قال يا هو يا هو أو هو هو ونحو هذا لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه. C'est-à-dire quand tu dis juste هو هو, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui ou il. Hein? Donc يعني, il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ça veut dire que de qui tu parles en réalité on ne sait pas. C'est de qui quand tu dis il ou lui, c'est qui? Hein, il dit, ça retourne à celui que tu t'imagines dans ton cœur. Et donc, il dit, wal qalbu qad yastadi wa qad yadun. Le cœur, il peut être bien guidé et il peut également s'égarer. Wa qad sannafa sahib al-khusus kitab al-sammahu kitab al-hu. Wa za'ama ba'duhum anna qawlahu ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ma'nahu. ما يعلم تأويل هذا الاسم إلا هو الهو الذي هو الهو سبحان الله عجيب. Il a dit que l'auteur du livre Al-Fusus, يعني Fusus Al-Hikam, en fait c'est Ibn Arabi Al-Ta'i, lui c'était un des soufis qui appelait les gens à Wahdatul Wujud, de dire que tout est Allah. Et bien il a écrit un livre qui s'appelle le هو, c'est-à-dire le hu, c'est-à-dire lui. Et il a prétendu que le verset qui dit la ya'lamu ta'wilahu illallah, que nous ne connaissons l'explication excepté Allah, il a dit que sa signification, ça veut dire quoi? Personne ne connaît l'explication de ce nom-là, excepté personne ne connaît l'explication du mot hu ou du nom hu. Il dit que c'est ça que ça veut dire en tout cas. وهذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه أبين الباطل. Et tous les gens intelligents, et tous les musulmans, et même tous ceux qui ont un peu de raison parmi les êtres humains, ils savent que ça c'est quelque chose de faux pour à propos de ceux qui prétendent que ça c'est le nom vous ou etc. Puis dans le livre du cheikh Mohamed Lour, il y a plein d'exemples de ces affaires-là, puis on va voir, inshallah, que c'est incroyable en réalité tout ce qu'ils ont amené. Cheikh Mohamed Ahmed Lour, dans son livre, il a commencé par faire une introduction pour expliquer que il faut premièrement faire une distinction dans le zikr. Quand on parle de zikr, il faut faire une distinction entre le zikr qui est dans la sunna, tel qu'il est mentionné, et le zikr chez les soufis. C'est deux choses différentes. Et souvent, c'est ça qui trompe les gens, parce que les musulmans, ils mentionnent toujours l'aspect que les soufis, c'est des gens qui font beaucoup de zikr. Donc, pour eux, ça c'est quelque chose qui, comme, donne un crédit, ou bien, rend crédible l'aspect du soufisme, que c'est des gens qui se rappellent souvent d'Allah, etc. Et il n'y a pas de doute que dans l'islam, le zikr est glorifié et louable, et de se souvenir d'Allah et de mentionner le nom d'Allah, c'est quelque chose qui est mentionné dans plein de versets dans le Coran. Personne ne peut remettre ça en question. Et même il y a plein de hadiths qui parlent de ça. Wa dhakirin Allah kathiran wa dhakirat, ceux qui mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala souvent, et qu'ils soient hommes ou femmes, يعني يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Oh, vous les croyants, ne laissez pas vous distraire vos biens et vos enfants du dhikr, du rappel d'Allah. Et il y a beaucoup d'autres versets comme ça. Il y a des hadiths également. Donc ça c'est quelque chose qu'on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Également les ulama de l'islam, alhamdoulilah, ils ont mentionné toutes sortes de dhikr dans des différents livres qu'ils ont écrits spécifiquement pour nous enseigner c'est quoi comment on doit faire le dhikr et quelle forme de dhikr on doit réciter à tel moment ou à telle situation dans la journée ou dans la vie. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tout ça en mentionnant les preuves tirées du Coran et de la Sunna, hein, avec des hadiths authentiques et des références authentiques. Comme par exemple, l'imam al-Nawawi, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Adhkar. Et dans ce livre-là, il a différents chapitres, comme par exemple, qu'est-ce que quelqu'un dit quand il entend le mu'adhin, qu'est-ce que quelqu'un dit après l'adhan, qu'est-ce que quelqu'un dit après telle chose, qu'est-ce qu'il dit quand il rentre dans la salat, qu'est-ce qu'il dit après le takbir, qu'est-ce qu'il dit dans le recours, qu'est-ce qu'il dit, etc. Après, il y a d'autres exemples, comme par exemple, quand tu mets un vêtement, qu'est-ce que tu dis, quand tu sors de ta maison, qu'est-ce que tu dis, quand tu rentres dans une maison, qu'est-ce que tu dis, lorsque tu rentres à la mosquée, qu'est-ce que tu dis, lorsque tu rentres avant de rentrer à la toilette, qu'est-ce que tu dis. Des exemples de choses comme ça, yani, ça nous montre qu'il y a des exemples de zikr pour toutes les actions et les moments de la journée. Donc si quelqu'un respecte et apprend ses dhikr et les met en application, il n'y aura pas un moment de sa vie où il ne sera pas en constant rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et c'est dans ce sens-là que le dhikr dans l'islam est important et il fait partie de parmi les choses les plus importantes formes d'adoration dans l'islam. Toutefois, on voit que ça c'est toujours expliqué et dans les limites et dans les règles de la sunna. D'accord? Mais ces gens-là, le zikr qu'ils font, c'est un autre zikr qui n'a pas rapport du tout avec les limites de la sunna, malheureusement. Et là, on va, pour comprendre ça un peu mieux, donner des exemples de, quelques exemples de qu'est-ce qui se passe dans le zikr de ces gens-là. Par exemple, premièrement, pour les soufis, c'est pas suffisant que tu juste dises, bon, moi je vais faire du dhikr. Tu peux pas faire ton dhikr comme tu veux. Premièrement, ils disent que dans le dhikr soufi, les différences qu'il y a entre le dhikr des soufis et puis le dhikr chez les gens qui suivent la sunna, ils disent que le cheikh dit, « Anna l'alfaz allati yatadawalunaha lam tu'sar عن المعصوم ولا شك أنها دون الألفاظ النبوية بل حتى تعابيرهم كثيرا ما تكون ضعيفة ولا تفيد شيئا أو تتضمن عبارات غير لائقة لله تعالى أو بنبيه صلى الله عليه وسلم مثل قول صاحب الدلالات الخيرات اللهم صل على محمد عدد ما أحاط به علمك وأضعاف ذلك اللهم صل على محمد صلاة مكررة أبدا أضعاف ما أحصى علمك وهو قول لا يجوز في حق الله تعالى لأن علمه لا نهاية له حتى يطلب أضعافه ومثل قول صاحب الجوهرة واصفا النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقم والمطلسم يعني وقد سبق قول الشنقيطي ولم يجوز إطلاق لفظ مهم نقصا على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأسقم وكذا المطلسم وما يدريك لعله كفر عن الشريك يعني donc il dit que parmi les exemples de dhikr chez les soufis il dit c'est des paroles qu'ils ont inventées eux-mêmes et qui ne sont pas rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y a pas de doute que qu'elles sont, disons, inférieures en degré que les paroles qui sont mentionnées dans les hadiths et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que parfois même les expressions qui sont utilisées dans leur forme de dhikr et de doigts sont des expressions faibles et qui ne signifient rien en réalité. Et même parfois, il y a des expressions qu'il mentionne qui sont même, rabaissantes pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qui diminuent Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui sont même une forme d'insulte pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple quand ils disent, comme dans un livre qui s'appelle Dala'il al-Khayrat, il y a un dua là-dedans qui dit « Oh Allah, envoie tes saluts sur ton prophète, le nombre de connaissances que tu possèdes est le double de cela. » Et « Oh Allah, envoie ton salut sur ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un nombre qui est répété à l'infini est le double de ce que tu possèdes dans ta connaissance. » Et donc le chef dit ça, c'est pas permis de dire ça à propos d'Allah, car la connaissance d'Allah est infinie. Et donc comment tu peux demander le double de l'infini? C'est comme quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire à propos d'Allah. Et puis aussi il y a le terme qui est mentionné dans le dua dans Ahmad de Tijan, il a fait un dua ou un dhikr, et il mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'appelle Al-Asqam. Hein? Et il veut dire lui par ça, celui qui est plus droit, Aksar Ustiqam, quelque chose comme ça. Toutefois, il dit Al-Asqam, et ça veut dire celui qui est plus malade, et non pas celui qui est plus droit. Et puis, ils utilisent un terme qui s'appelle Al-Mutalsam. Ça, c'est des mots qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, même pas dans la langue arabe. Et parmi les exemples de ça, je vous donne un exemple de dhikr ici que j'ai dans ce livre-là, qui est écrit par Amadou Tal, c'est un Tidjani du Sénégal. Et il y a une prière qui s'appelle ici Salat An-Nur, la prière de la lumière. Il dit Allahumma salli wa sallim wa barik ala jamal dhati nurika al-lami' alladhi mala'a arkan 'arshika al-'azham wa salli ya rabb ala sirrika al-mutalsam wa bahrika al-mutamtam wa nur wajhika al-akram wa maghnatis mahabbatika al-afkham مثل نوره كمشكات الأرواح في زجاجة الأسرار والأنوار وفيها مصباح العلوم والفهوم ذي المقامات العليات الباهرات التمات سيدنا ومولانا محمد صاحب الجلال والجمال والكمال ذي الاختصاص بجوامع الكلم كالراه كاف هي ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف على آله وأصحابه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحي. Ça c'est des exemples de dua. Il y a des formes de rouloup, d'exagération, de description du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des attributs divins, hein, et de perfection qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il dit, par exemple, as-sirruka al-mutalsam, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ou le bahr, ou le bahr est le mutamtam. Qu'est-ce que ça veut dire? Subhanallah. Il y a Allahu A'lam. Après, ouais, c'est des paroles. Après, il dit, Jawami al-Kalim, et puis il mentionne des lettres alphabétiques comme le ra, le kaf, le ha, le ya, le ayn, le sad, hein. Il y a plein d'exemples comme ça. Ici aussi, il dit la même chose. Il dit, ترجمان الساتعات النورانية على من بسطت منه العلوم الباسطات السريانية ب ألف لام ميم ألف لام ميم را كا ها يا عين صاد طاء صاد قاف نون على آله وصحبه وأصحابه. Oui, ça c'est, oui, mais eux ils donnent à ça d'autres significations, comme ça. Ouais, parce que moi, Jawami al-Kalim, c'est pas du tout ça. Jawami al-Kalim, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle peu, en peu de mots, il peut dire des choses qui ont une grande signification. D'accord? C'est ça, Jawami al-Kalim. Et ça, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue en particulier par rapport aux autres prophètes. Il a dit que j'ai reçu Jawami al-Kalim. Donc, lui, il interprète ça avec ces lettres-là, qui sont les lettres qui sont au début de certaines parmi les sourates dans le Coran, et en réalité ça n'a rien à voir avec ça. Et moi je sais, parce qu'une fois je suis allé, j'étais à Médine, puis il y avait un cheikh Tidjani, il m'a amené pour aller visiter un malade, un de ses amis qui était malade, après, et puis Et puis étant donné qu'il était malade, il a fait un doigt pour lui. Et moi bien entendu, j'ai seulement écouté. Là, je l'entendais faire le doigt et tout ça. Là, tout d'un coup, je l'entends dire des mots qui sont même pas en arabe, et des lettres arabes comme ça, comme les lettres qu'il disait dans ce doigt-là. Ha, kaf, ain, sin, qaf, et des choses comme ça. Là, je dis, subhanallah, j'ai jamais entendu un doigt avec des lettres comme ça. Parce que eux, ils donnent à ces lettres-là des significations et des pouvoirs magiques, et des trucs secrets, Exactement, c'est ça, c'est de la sorcellerie qu'ils font avec ça. Et puis on va voir après plein d'exemples. À chaque lettre, ils ont donné une valeur numérique et une signification, comme on voit ici là. En tout cas, le cheikh il dit après, « وَأَنَّهُمْ يُفَضَّلُوا أَذْكَارَهُمْ عَلَى الْأَذْكَارَ الْوَارِدَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فجعلوها أذكار العامة وأذكارهم أذكار الخاصة وخاصة الخاصة كما نديك طالع ils ont préféré même leur dhikr à eux aux dhikrs qui sont mentionnés dans la sunna et ils ont dit que le dhikr qui sont dans la sunna ça c'est pour les gens ordinaires mais que eux ils ont dépassé ce niveau là etc le cheikh il dit que ومزاولة أذكارهم بتلك الأعداد الضخمة والوظائف الثقيلة المشغلة عن الأذكار النبوية بل عن القيام بكثير من الواجبات الشرعية. Parmi les choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné un nombre incroyable de dhikr à mentionner et de nombre de fois qu'on doit le dire. Il y en a tellement grand que ça distrait quelqu'un ou ça l'empêche même parfois de faire les adhkar qui sont venus dans la sunna et même parfois de faire quelque chose qui est obligatoire parce que c'est tellement des exemples de choses qui demandent de faire tellement nombre de fois que ça peut même te distraire de ce qui est obligatoire. Donc le chef il dit que اشتراط الاذن الخاص لممارسة il dit numéro 4 il dit اشتراط الاذن الخاص لممارسة هذه الأوراد بحيث إن من ذكرها بدون إذن لا يستفيد منها على حد قول الشيخ الفوسي اعلم أن جميع أذكار هذه الطريقة بل وغيرها لا ينال شيئا من أسرارها المطلوبة منها إلا من كان له الإذن الصحيح. Donc il dit quoi? Il dit que sache que il faut avoir une permission spécifique et spéciale pour pratiquer ces dhikrs-là. Que si tu les pratiques par toi-même sans avoir la permission du cheikh, alors tu n'auras aucun bénéfice de les faire, tu vas pas profiter de rien là-dedans. Comme le cheikh Al-Fouti, Omar Tal Al-Fouti, il dit, sache que tous les adhkar de la tariqa, et même autre que cette tariqa, tu vas rien en profiter, rien en retirer de ces secrets qui sont recherchés, excepté si tu as une permission correcte pour les faire. Ça veut dire une permission du cheikh. C'est-à-dire, ça ne sert à rien que tu fasses ton dhikr tout seul et que tu fasses des efforts pour faire du dhikr. Tant que tu n'as pas eu la permission du cheikh, ça ne compte pas. Bien, subhanallah, ça c'est grave. Après, nous, ashtaritouna, si man yu'ti l'izn an yakuna shaykhan maftouhan alayhi, حيث يقول الفوطي اعلم ان الذكر المأخوذ عن غير شيخ او عن شيخ غير مفتوح عليه عارف هلاك صاحبه اقرب من سلامته هلاك صاحبه اقرب من سلامته لا سيما اسماء الله تعالى. Tu vois qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour que tu reçois la permission, c'est pas de n'importe quel chef, il faut que ce soit un chef qui reçoit une fath, qui a une sorte de une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien une inspiration divine. Et ça c'est expliqué dans les paroles encore une fois de Al-Fouti dans son livre Abrimah. Il dit, sache que le zikr qui n'est pas pris du chef ou qui n'est pas pris d'un chef qui a Al-Fath, qui est connaissant, qui a une connaissance d'Allah, eh ben ça, celui qui le fait tout seul comme ça, sans la permission, il est plus proche de la perdition que d'être sauvé, disons. exceptionnel, et en particulier celui qui mentionne les noms d'Allah. Celui qui mentionne les noms d'Allah, il faut qu'il ait la permission d'un cheikh. Et le cheikh dit هذا عجيب هذا من عجائب فكرهم أنه إذا جاز للعبد أن يأخذ هيئات الصلاة وغيرها من أركان الإسلام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير قيد ولا شرط ولا طلب إذن من أحد وإذن ولا طلب إذن من أحد فلما يضعون هذه العراقيل بين عباد الله وبين ذكر ربهم. Donc il dit que si on peut apprendre comment prier et comment respecter les piliers de l'islam directement du Coran et de la Sunna sans condition et sans limite, et qu'on peut le faire sans demander la permission de quiconque. Alors pourquoi il donne des difficultés et des limites comme ça pour faire le dhikr, hein, et qu'il met des obstacles entre les serviteurs d'Allah et entre le rappel de leur Seigneur quand c'est des questions de dhikr? Donc, on voit que yani, c'est une des bid'ah qu'ils ont encore une fois inventée pour limiter la question de dhikr et pour que les gens soient toujours obligés de passer par eux pour faire une adoration quelconque. Et le cheikh dit « إِلْزَامُهُمْ الْمُرِيدْ بِهَذِهِ الْأَذْكَارِ بِحَيْثُ أَنَّ مَنْ تَرَكَهَا خَرَجَ مِنَ الطَّرِيقَ بِالْكُلِّيَّ وَهَذَا هُوَ التَّشْرِيعْ بِعَيْنِهِ » C'est-à-dire que ils ont obligé les gens qui sont dans la tariqa de répéter ces adhkars-là d'une façon obligatoire. C'est-à-dire, si tu l'abandonnes, si tu cesses de le faire, tu vas être en dehors de la tariqa. C'est-à-dire, tu vas être chassé et tu vas être obligé de. C'est-à-dire, tu vas être considéré comme si tu es en dehors de la tariqa. Également, tahdid al-awrat fi kamniyatiha wa kayfiyatiha wa awqatiha. والمراد بكمياتها أعدادها فإن كان الشارع قد أطلق لفظ الذكر ولم يحدده بكمية وعدد معين فلا يصح تحديده ولا تعينه ومن حدد أو عين فقد ابتدع عليكم السلام والبدعة ضلالة. Donc le chef il dit que parmi les exemples de dhalal qu'on trouve chez ces gens-là, je trouve qu'il donne à certaines formulations de dhikr qu'ils font ou dans le wird qu'ils donnent à leurs fidèles un nombre de fois qu'il faut le mentionner après ou dans des temps spécifiques. Et donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié un nombre spécifique de fois pour dire un dhikr en particulier, ça veut dire qu'il y a une preuve du Coran ou de la Sunna pour dire qu'on doit le faire un certain nombre de fois comme ça. Toutefois, s'il n'y a pas une mention de ça dans le Coran et dans la Sunna, que c'est laissé libre, donc tu ne peux pas toi venir puis faire une limite ou établir un nombre pour dire il faut dire telle chose, tel nombre de fois. Et là, j'ai un petit livre ici qui s'appelle « Les noms les plus exaltés ». Ça, c'est un livre qui est publié au Sénégal, si je ne me trompe pas. Et Annie. Dans ce livre-là, on retrouve la mention de plusieurs parmi les noms d'Allah, je pense qu'il y en a 99 si je ne me trompe pas, et à chacun de ces noms-là, ils vont donner une petite utilisation, comment on doit l'utiliser. Comme par exemple, je feuilletais ça comme ça, puis en fait je peux prendre n'importe quel, il dit « Ya Wadud » par exemple, le nom de Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wadud, c'est-à-dire celui qui aime. Ils disent ici, إذا كان خاصم بين شخصين وقرأ أحد منهما هذا الاسم ألف مرة على طعام وقدمه للآخر ليأكل منه فلا يبقى خصام بينهما. Ils disent, celui qui, يعني, c'est-à-dire, t'as une querelle avec quelqu'un, okay, si un des deux récite mille fois ce nom-là sur la nourriture et qu'il le donne à manger à l'autre, il n'y aura plus de querelle entre les deux. Et ça, c'est pas basé sur une preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, il n'y a pas de référence à ça. Mais c'est juste ce que le cheikh a inventé, d'accord. Bon, il y a des choses comme ça pour plein d'autres trucs, plein d'autres exemples. Attends, je vais vous en trouver d'autres. Hein? Et puis il mentionne mille fois en plus, comme si, sans référence non plus. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, il dit ici par exemple, il y a al-musawwir. Eux, parmi les adhkars qu'ils font, ils disent par exemple, al-mar'a allati lam tastati' al-injab, wa hiya raghibatun fil injab, تصوم مدة سبعة أيام وكل يوم في الفطور تعيد هذه الأسماء 21 مرة يا خبير يا باري يا مصور وتتنفس في كأس ماء وتشق الفطر لذلك الماء ويبارك الله لها ويرزقها طفلا إن شاء الله وإذا رزقها الله طفلا ينبغي عليها أن تحمد الله وتشكره وإذ الله لم يرزقها طفلا ينبغي عليها أن تحمد الله وتشكره يعني histoire elle dit si une femme ne peut pas avoir d'enfant elle doit jeûner comme 7 jours si elle veut avoir un enfant et à chaque jour qu'elle jeûne elle répète 21 fois ce nom là ya khabir ya bari ya musawwir et elle respire elle souffle dans un verre d'eau et puis elle coupe son jeûne avec cette eau-là, et il dit que Allah va lui donner un enfant. Ça c'est des exemples de trucs que tu lis dans les livres des soufis, hein, et qu'ils enseignent aux gens, et qu'ils demandent aux gens de respecter et de suivre. Et qui n'ont aucune référence et aucun fondement, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Par exemple, ici, il y a Al-Awwal. Al-Awwal c'est un des noms d'Allah qui est le premier. Et Al-Awwal wa Akhir. Allah est le premier et le dernier. Il n'y a rien avant lui, il n'y a rien après lui. Et Alladhi yuridu an yakuna lahu tifl. Aw ya'ud ilayhi insan fi safar fa alayhi an yu'id hadha al-ism alf marra li muddat 40 jumu'ah. Il dit celui qui aimerait avoir un enfant, ou celui qui aimerait faire venir quelqu'un qui est en voyage. Il doit répéter ce nom-là, Ya Awwal, mille fois, pendant 40 vendredis. Hein? Et ça, il n'y a pas de référence, hein? Il y a plein de choses comme ça. Et si vous regardez dans ce livre-là, c'est encore pire. Parce qu'il y a pour chaque nom d'Allah, une sorte de tableau, avec un nombre de... Et, non, le nombre d'emplois qui va avec. Le nombre, la valeur numérique du nom, par exemple Al-Mujib, et l'heure quand est-ce que tu dois le dire, hein, après chaque prière, le résultat de ce zikr c'est quoi? Les vœux sont exaucés, la réussite, la bénédiction, et on peut le réciter après chaque prière ou chaque zikr, etc. Donc après il y a d'autres exemples, et d'ici tu le dis 55 fois, voici ce qui t'arrive. Si tu le dis 99 fois après la prière du matin, eh bien, exaucement des vœux et élévation. Si tu le dis 235 ou 136 fois, Ya Samir Ya Mujib, eh bien, les vœux sont exaucés dans les plus brefs délais. Et si on écrit le premier nom dans la main droite et le deuxième nom dans la main gauche, on lève les mains au ciel en faisant un vœu et vous serez exaucé. Hein, tu écris Ya Mujib dans une main, et il y a sa main dans l'autre main, ça veut dire que ton vœu va être exaucé. Si tu le dis 7000 fois, pendant un mois, chaque jour pendant un mois, vos vœux sont exaucés, réussite, bénédiction, Dieu répondra à tes demandes, etc. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme ça qu'ils établissent des règles et des lois et des explications comment tu dois réciter telle chose combien de fois. Ça ici c'est le tableau dont je parlais tout à l'heure, et dans ce tableau là, il y a chaque lettre de l'alphabet avec sa valeur numérique, et puis qu'est-ce que ça signifie ou son symbolisme. Comme par exemple la lettre Ba, elle vaut 2, hein, et puis ils disent qu'elle symbolise la dualité, l'origine de Alif, le Ba symbolise la réalité mohammadienne, la création, rapport au alif qui actualise la singularité divine. Il y a des affaires. tu demandes où est-ce qu'ils ont trouvé la valeur numérique d'un chiffre, d'une lettre. La lettre ta, ça, elle vaut 400. Toutes sortes de choses là, bizarres comme ça. En tout cas, après le chef, il dit comme al-ijtima' alayhi wa raf' al-aswat bihi wa ihdath wa harakat munkara kat-tamathil wa al-qazf wa al-raqs wa al-tasfiq. Quand ils se font le dhikr, ils se réunissent d'une façon spécifique parfois, et on va vous donner des exemples de ça la prochaine fois, inshallah. Et ils font certains mouvements parfois, il y a des mouvements qui sont accompagnés avec ça. Et puis, par exemple, ils sautent, ou ils dansent, ou ils tapent les mains, ou ils font des gestes comme ça, qu'ils ont établis eux-mêmes. وَمُصَاحَبَةَ الذِّكْرِ لِلْعَزْفِ وَالتَّسْفِيقِ وَهُوَ مَا يُسَمَى بِالسَّمَاءِ وَالْمَدَائِحِ أو الْمَدَائِحِ أو الْقَصَائِدِ. Ils mettent des instruments de musique, et puis aussi des clapements de mains, donc ils jouent des tambours, ils jouent avec d'autres trucs comme ça, pendant qu'ils font le dhikr. Et ils appellent ça Sama' ou bien Al-Mada'ih ou bien Al-Qasa'id. Ils disent « Wa wad' ujur mu'ayyana muhaddada ala kulli naw'in min al-dhikr bi an yuqal man qala kaza falahu ajr kaza wa min ghayri an yarid an al-shara. » Donc le cheikh il dit que ces gens-là ils établissent des récompenses pour certains dhikrs que les gens peuvent faire. Et yani, comme par exemple celui qui dit telle chose ou qui fait telle chose, il aura telle récompense, sans qu'il n'y ait aucune preuve de ça dans la sunna. Comme par exemple les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, et ici un exemple, il dit celui qui récite surat al-qadr, inna anzalnahu fi laylat al-qadr, celui qui la récite 1000 fois durant le jour ou la nuit, on lui efface tous ses péchés figurant dans lawh al-mahfouz. Ok, s'il le récite 5 fois le vendredi, il obtient les bienfaits de 50 prophètes. S'il le récite 3 fois le vendredi, il obtient la récompense divine équivalente numériquement aux vagues océaniques et aux feuilles du règne végétal. 100 fois après la prière de Asr le vendredi, obtention de la récompense divine équivalente aux bienfaits des vertueux. Et ça continue comme ça. Donc, c'est des exemples de récompenses qu'ils promettent à ceux qui font ces choses-là, yani, pour leur promettre des récompenses qui sont même pas mentionnées ni dans le Coran ni dans la Sunna. Moi je me demande, qui leur a dit que celui qui fait ça il va avoir ces récompenses-là? Est-ce que ça vient d'une preuve dans le Coran? Est-ce que ça vient d'une preuve dans la Sunna? Où est-ce qu'ils ont trouvé cette connaissance? Est-ce qu'ils ont une révélation que Allah leur donne des connaissances, hein? Donc ça c'est des choses graves yani, en réalité. Et comme dernier point il dit wa akhiran mimma yulahaz ala dhikr as-sufiyya an al-'adid min at-turuq ishtaratu ala adh-dhakir an yahduru surat shaykhihi athna adh-dhikr, comme on a dit tout à l'heure, hein. Donc il faut, parmi les turuq soufiyya, il y en a qui ont demandé qu'on mette une photo du cheikh lorsqu'ils font le dhikr, hein. Donc ça c'est une des exemples également qui font partie de leur déviation, et c'est pour ça que nous on dit bon, c'est vrai qu'il faut faire le dhikr et que le dhikr c'est important, mais il faut le faire selon la sunna et non pas selon l'exemple de bid'a de ces gens-là, yani comment ils ajoutent des choses qui ne viennent pas qui sont pas présentes dans le Coran et dans la sunna pour faire le dhikr. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis inshallah on continuera la semaine prochaine avec plus de détails sur cette question-là, et puis avec des exemples, et puis on continuera encore l'explication. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa iyyakum inshallah.